Bonjour Tiphaine, rendez-vous demain à la même heure. De notre côté, nous vous proposons de réentendre une série d'émissions consacrées à Antoine de Saint-Exupéry, puisque paraît en ce moment un gros volume de ses œuvres dans la collection Quarto des éditions Gallimard. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui et pour le troisième jour de cette semaine, la compagnie des auteurs se transforme en compagnie aéropostale puisque nous parlons de Saint-Exupéry dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travaglichanal et Jacques Zuber. C'est une légende que cet homme dont nous parlons donc ici depuis lundi. Il est tout à la fois aviateur, écrivain et inventeur. Il a toujours été fauché, mais son livre Le Petit Prince reste le plus vendu de la littérature française. Il est mort à 44 ans seulement d'un accident pendant la guerre après avoir été un pilote plutôt tête en l'air. Tout cela, Virgile Tanaz nous l'a raconté lundi au cours de notre émission biographique que vous pouvez retrouver dès à présent en podcast. Alors, Le Petit Prince, c'est un mythe, c'est un conte, c'est une fable, c'est un livre-objet. Un livre qui revêt une place toute particulière dans l'imaginaire sur la planète entière. Et c'est de ce livre dont nous a entretenu hier l'archiviste et éditeur Alban Cerisier. Enfin, demain, en première partie, Sylvie Justhomme nous parlera du style littéraire proprement humaniste de Saint-Ex avant que Philippe Forest ne revienne sur l'enfance telle qu'envisagée par l'auteur de Vol de nuit. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler d'un Saint-Exupéry journaliste, je recevrai en seconde partie le professeur de littérature française à l'Université de Bordeaux, Philippe Baudor. Mais dans un premier temps, pour évoquer l'intellectuel engagé qui était également Saint-Exupéry, nous sommes en compagnie de François Gerbert, avocat au barreau de Paris, écrivain, auteur des livres Saint-Exupéry, de la rive gauche à la guerre aux éditions de Noël, c'était en 2000, ou encore de Saint-Exupéry, écrivain en guerre aux éditions Jacob Duvernay en 2013. Il a également rédigé le texte intitulé « L'engagement » dans le volume « Renaissance de Saint-Exupéry » aux éditions Écriture, sous la direction d'Alain Vircondelet. Bonjour à tous, bienvenue, voici la compagnie des auteurs. Il avait toujours eu pour théorie, pour... si vous voulez, axe de sa philosophie, qu'il faut penser avec son corps, et qu'on ne pense bien qu'avec son corps. Alors pour lui, penser, c'était être aux commandes d'un avion et agir. Bonjour François Gerbert. Bonjour. Vous êtes d'accord avec André Mauroy qu'on vient d'entendre ? Tout à fait. Quand il dit que penser pour Saint-Exupéry, c'était agir. Tout à fait. Et qu'il pensait avec son corps. C'est vrai que quand on est dans un avion, à l'époque, j'imagine que c'était d'abord le corps qui pensait. Alors, je ne sais pas si c'est d'abord le corps qui pensait. En tout cas, je suis certain que chez Saint-Exupéry, il y a un rapport entre cet état du corps et la nécessité de l'engagement. Cette nécessité d'engagement, c'est à la fois, bien entendu, un engagement intellectuel, un engagement moral, un engagement militaire. Mais tout au long de sa carrière, avant même la période de la guerre, c'est un engagement physique. Parce que l'avion, tel qu'il est pratiqué dans les années 20 et jusqu'aux grandes inventions américaines qui vont complètement transformer l'aviation de guerre, c'est un engagement du corps. Mmh. C'est un engagement du corps entier. Non seulement parce que c'est très difficile de piloter les avions à l'époque et qu'il faut être d'une stature physique comme un Saint-Exupéry ou comme un Mermoz, hein, de véritables colosses. Et deuxièmement, parce qu'il y a également des risques, le risque de chute, le risque de se faire descendre au milieu du désert et ensuite de terminer à pied le voyage. En fait, on sent qu'il y a un amour du dépassement chez Saint-Exupéry. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un amour de la souffrance ou de l'idée de pouvoir souffrir? C'est une excellente question à laquelle il est difficile de répondre sans mettre en perspective l'ensemble de la vie et de l'expérience du personnage. Je ne pense pas que chez Saint-Exupéry, il y ait un amour de la souffrance. Ça ne correspond pas à sa façon d'être et de vivre. Il aimait trop la vie ? Oui, tout à fait. Je pense en revanche que c'est quelqu'un qui, ayant eu de multiples soucis de santé, à savoir de multiples accidents, dans l'un de ses voyages en Amérique du Sud, il sort complètement fracassé de l'accident de son avion. Il y a de toute évidence une volonté de se dépasser à travers le fait de surmonter la souffrance. Et le fait de pouvoir négliger ou surmonter, je pense que le thème « surmonter » est plus fort, les difficultés qui permettraient à tout un chacun de dire « je n'y vais plus parce que je suis physiquement très abîmé ». Et cette logique, on la retrouve en 1940 et en 1943. C'est une envie peut-être d'être aussi un pur esprit, autant qu'on puisse l'être. C'est peut-être une envie d'être un pur esprit, c'est aussi quelque part l'idée de l'éternelle jeunesse. C'est-à-dire je me perpétue comme je l'étais à 20 ans. Alors, c'est un intellectuel engagé, mais on ne s'en est pas toujours rendu compte. Il aura fallu 55 ans pour qu'Antoine de Saint-Exupéry soit enfin considéré comme un intellectuel engagé à l'égal de Malraux, Aragon, Nizan. Je dis 55 ans parce que il a fallu attendre finalement l'année 2000 et votre livre Saint-Exupéry de la rive gauche à la guerre pour que cette thèse soit réellement défendue. Ben c'est très gentil à vous de le remarquer, effectivement. La plupart des ouvrages qui ont été publiés auparavant sur les intellectuels engagés ne mentionnent absolument pas Saint-Exupéry, qui est dans une sorte de purgatoire auquel on n'accède pas. Et je pense que la démonstration que j'ai effectuée en 2000 a convaincu un certain nombre d'auteurs. J'ai d'ailleurs remarqué que dans le livre, je crois que c'est Michel Vinocq qui fait un gros ouvrage sur les intellectuels, sa première édition ne mentionne pas Saint-Exupéry, sa deuxième édition le mentionne. Avant-guerre, sa réputation l'avait conduit au simple rang des témoins élégants et compétents d'une technologie récente. C'était avant tout un aviateur. Oui, c'est avant tout un aviateur, mais c'est déjà un aviateur qui réfléchit à la fois sur sa situation, c'est-à-dire sur l'impact de cette technologie radicalement nouvelle qui est l'avion et qui fascine d'ailleurs d'autres auteurs. Hein. Malraux est aussi fasciné par l'avion. Hein. Bon, mais la différence, c'est que Saint-Exupéry, c'est véritablement son métier. Donc il réfléchit sur son métier et il a cette vision de l'avion comme un élément qui permet de relier les hommes entre eux. Ça permet de raccourcir les distances. C'est un point de liaison, c'est un moyen de liaison entre les hommes à travers les continents. Ça, c'est très important pour lui. Alors, s'il y a eu quand même cette traversée du désert, du point de vue de la reconnaissance que Saint-Exupéry peut être un écrivain engagé, c'est aussi parce qu'il a toujours fait bande à part. Et c'est notamment l'un des thèmes que vous expliquez, François Gerber. Alors, il n'a pas été communiste, par exemple. Absolument. Il n'a pas été gaulliste. Il a été rien du tout. Il n'a pas été rien du tout, puisqu'on en parle aujourd'hui sans doute davantage que certains intellectuels communistes de l'entre-guerre. Il n'a jamais été affilié à aucun parti. Absolument, oui. Et c'est un reproche qui lui a été fait et qui lui a été fait pendant très longtemps. Je me souviens d'un des chanceliers de l'Ordre de la Libération que j'interrogeais sur le fait que Saint-Exupéry, quand même, compte tenu de son parcours, de son décès, enfin de sa mort à titre militaire, n'ait pas été fait compagnon de Libération. Et ce chancelier, qui était le général Simon, me disait « Mais ça a toujours été un ennemi du général de Gaulle. » Voilà. La compagnie. compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, en quoi Saint-Exupéry a-t-il été engagé? Et d'abord, en quoi a-t-il été exemplaire? Je crois que c'est par là qu'il faut commencer, François Gerber. Et ça commence en 1939, c'est-à-dire durant la Drôle de Guerre, Saint-Exupéry, à l'inverse d'autres écrivains, et notamment d'écrivains Gallimard, hein, qui ont été réformés, qui se sont fait réformer, lui était, comme Malraux, comme Nizan, sur le front de la Drôle de Guerre, François Gerber. Alors, c'est vrai que la maison Gallimard peut dire que c'est l'une de ses gloires militaires. Et elle n'en a pas tant que ça, en tout cas sur la période 1939-1940. Il y a Malraux, il était bien chez Gallimard. Il y a Malraux, et puis il y a Nizan, effectivement, vous avez cité tous les trois, hein, c'est les trois grands intellectuels français reconnus de l'avant-guerre qui sont capables de véritablement s'engager. Mais avec Saint-Exupéry, il y a quelque chose de plus. C'est que l'engagement, il date pas du 10 mai 40, il date véritablement de la déclaration de guerre, puisque Saint-Ex appartient à une des seules unités combattantes qui va effectivement être en plus terriblement affectée, mais qui va être mise en œuvre dès le début de la guerre. Et alors, c'est un engagement qui rejette tout de suite et très fermement le nazisme. Il y a le régime de Vichy aussi. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Alors, chez Saint-Exupéry, il n'y a jamais eu d'ambiguïté, en dépit du fait qu'un certain nombre de personnes plus ou moins bien intentionnées ont essayé de faire quelques incises et de l'amener vers cette ambiguïté. Mais pour lui, il n'y a effectivement pas d'ambiguïté. Et il n'y a de toute façon pas d'ambiguïté sur la période 1939 jusqu'à l'armistice de juin 40, puisque de toute façon, c'est la période du combat. Pourtant, il n'y a pas un certain relativisme quand même intrinsèque chez Saint-Exupéry, qui est apolitique. Il n'y a pas, évidemment, je ne parle pas du coup du nazisme, mais une façon de mettre un petit peu les hommes politiques tous sur le même plan. Non, il n'y a pas de relativisme. En revanche, il y a, comme chez nombre d'intellectuels et peut-être même d'opposants de cette époque, quand même un grand doute sur l'efficacité des élites de la Troisième République et sur l'efficacité militaire. Parce que s'il y a une chose qui est bien constante chez Saint-Exupéry, en dépit de son statut militaire, statut qu'il a quand même conservé pendant un certain nombre d'années durant sa vie, c'est un doute quant à la capacité des militaires de conduire la guerre, un doute qui rejoint celui de Marc Bloch, hein, dans L'Étrange Défaite. Hein. On peut faire un parallèle d'ailleurs entre pilotes de guerre, certaines réflexions de pilotes de guerre et certaines réflexions de L'Étrange Défaite de Marc Bloch. Parce que si on pousse encore un petit peu plus loin, on peut se demander s'il n'y a pas, alors que Saint-Exupéry est de manière très évidente, fait partie d'une élite, un sentiment un petit peu anti-élite, mais qui serait l'élite politique. Il y a peut-être cette idée que finalement le bon sens, et pourquoi pas le bon sens du peuple, a raison sur ceux qui nous gouvernent. Moi, personnellement, je n'ai pas ce sentiment-là. Son implication, comment dirais-je, est à la fois trop physique et trop intellectuelle pour être considérée de cette façon. Elle est trop physique parce qu'effectivement, c'est un engagement du corps. Hein, et il y a une phrase, les équipages fondent comme de la cire, hein, parce que les hommes sont tués les uns après les autres. Donc c'est véritablement un engagement physique. Et c'est un engagement intellectuel aussi parce qu'il croit dans la cause qu'il défend, qui est celle de l'humanisme dès cette époque-là, et qui dépasse. Il n'y a pas de sentiment populiste chez lui, ni d'ailleurs en 39, ni ensuite quand il reprend le combat à partir de 43. Alors il reprend le combat, venons-y, à partir de 43. Entre-temps, il a été aux États-Unis, puisque après l'armistice, il est évidemment libéré, démobilisé. Oui, tout à fait. Démobilisé. Il part aux États-Unis et il se dit quand même qu'il doit revenir pour son pays. Mais là, il décide de faire la guerre sans bombarder. Il décide de ne pas tuer, lui, directement l'ennemi. Oui, c'est une particularité de son engagement. Les unités auxquelles a appartenu Saint-Exupéry, les unités aériennes auxquelles il a appartenu, sont essentiellement des unités d'observation. Enfin, pour lui, elles sont toutes des unités d'observation. Ça, c'est une demande qu'il a faite. C'est une demande qu'il a faite, c'est un choix, effectivement, qu'il a effectué. C'est un engagement. Tout à fait. Dès 1939, avec effectivement une grosse difficulté, ce qui explique d'ailleurs les pertes de son escadron, le fameux 233. Les avions français sont surclassés par les avions allemands, premier point, et deuxièmement, ils ne sont pas armés. Donc le seul salut, c'est la fuite. Et c'est ce qu'il fait, mais qu'il ne pourra pas toujours faire, comme l'a prouvé malheureusement l'histoire. Je propose d'écouter un extrait de Pilote de guerre. Au fond, l'état-major ressemble à un joueur de bridge que l'on interrogerait d'une pièce voisine. Que dois-je faire de Madame de Pic? L'isolé hausserait les épaules, n'ayant rien vu du jeu, que répondrait-il? Mais un état-major n'a pas le droit de hausser les épaules. S'il contrôle encore quelques éléments, il doit les faire agir pour les garder en main et pour tenter toutes les chances, tant que dure la guerre. Bien qu'en aveugle, il doit agir et faire agir. Mais il est difficile d'attribuer un rôle au hasard à une dame de pique. Nous avons déjà constaté, avec surprise d'abord, puis comme une évidence que nous aurions pu prévoir ensuite, que lorsque l'éboulement commence, le travail manque. On croit le vaincu submergé par un torrent de problèmes, usant jusqu'à la corde pour les résoudre, son infanterie, son artillerie, ses tanks et ses avions. Mais la défaite escamote d'abord les problèmes. On ne connaît plus rien du jeu. On ne sait à quoi employer les avions, les tanks, la dame de pique. La compagnie des auteurs avec cet extrait de Pilote de guerre lu par Jean Menaud. Qu'est-ce que vous retenez de cet extrait? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la comparaison avec les réflexions de Marc Bloch. C'est le constat fait par Saint-Exupéry de la capacité des militaires français en 39 de conduire la guerre, et ce qui éclaire une grande partie de sa réflexion et de son doute sur la capacité des militaires en général. Et je vise par là à la fois le général Giraud et le général de Gaulle quand il y a le conflit sur la renaissance d'une France combattante en 42. Il a un doute qu'il avait déjà exprimé d'ailleurs à l'égard de Mermoz, quand Mermoz avait choisi de devenir vice-président des Croix de Feu, puis du Parti Social Français et du colonel de Roque, en disant à Mermoz, qu'est-ce que Mermoz va faire avec ce grand dadais de colonel? Ce qu'il critiquait en fait plus dans le comportement de Mermoz, c'est davantage le compagnonnage avec un officier qui n'était sans doute peut-être pas l'un des plus brillants de l'armée française, davantage que son engagement politique à proprement parler. Et on retrouve là cette critique constante et ce doute vis-à-vis des militaires. Alors 1942, date que vous citiez à l'instant, c'est justement l'année de publication de Pilote de guerre. Et il faut dire que c'est un livre que la presse collaborationniste a immédiatement voulu faire interdire. Alors c'est la chose qui m'avait le plus étonné lorsque j'ai commencé à travailler sur la publication de Pilote de guerre par rapport au statut d'intellectuel de Saint-Exupéry et d'intellectuel engagé, j'ai immédiatement mis en exergue les phrases extrêmement, on peut dire, virulentes de Pilote de guerre, qui passent à la censure allemande sans être particulièrement remarquées. Et j'ai été très étonné qu'effectivement, les analystes français n'est pas considéré que ce livre était un livre d'un homme engagé, mais plus que cela. Par exemple, d'un résistant à une phrase en tête ou un propos en tête. Il y a toute sa construction sur le fait qu'il faut reconstruire, qu'il faut résister, qu'il faut renaître. Ce sont des propos qui sont réitérés dans Pilote de guerre et qui vont plus loin que la simple description des combats qu'on trouve dans beaucoup de bouquins qui sont publiés pendant la période de l'occupation. Et qui vont plus loin aussi que, par exemple, Le silence de la mer de Vercors, qui est présenté comme étant l'ouvrage type de la résistance en littérature, si ce n'est de la résistance elle-même. D'ailleurs, vous comparez les deux livres, François Gerbert, et pour vous, c'est beaucoup moins audacieux d'écrire Le silence de la mer que d'écrire Pilote de guerre. C'est évident. Dans Le silence de la mer, il y a la résistance passive de l'oncle et de sa nièce face à l'officier allemand, qui est, ma foi, fort civil. Dans Pilote de guerre, il y a une démarche. Alors, ce n'est pas un affrontement ni à la propagande Staffel ni à l'occupant, mais c'est une démarche effectivement assez intellectualisée, mais qui appelle les gens à la renaissance par rapport à la défaite, qui est décrite comme étant quelque chose de terrifiant pour la France. Et il y a un véritable appel de Saint-Exupéry à la renaissance. Et derrière, il y a également un certain nombre de propos sur l'antisémitisme. Il y a une contestation de Saint-Exupéry, une contestation frontale de l'antisémitisme de Vichy et l'antisémitisme des nazis, dont je suis encore stupéfait aujourd'hui que personne n'ait remarqué pendant 55 ans. Et notamment avec la référence qu'il fait à son ami Léon Woerth, qui était socialiste, qui était juif et qui était caché pendant la guerre parce que juif précisément. Il y a son amitié à l'égard de Léon Woerth et puis il y a son amitié à l'égard d'un homme qui a réellement existé, qui s'appelle Israël, qui est un pilote de son escadrille et qu'il décrit comme un héros, ce qui automatiquement va déclencher un tir de barrage de la presse collaborationniste, de tous les Cousteau et autres écrivains de cette engeance. On parlait du frère Cousteau. Oui, bien sûr. Pas de Jacques-Yves. Non. Je crois que c'est Pierre-Antoine Cousteau, je crois son nom, et qui seront d'une violence totale et qui demanderont l'interdiction du livre parce qu'on ne peut pas mettre en exergue un héros juif dans un livre publié en 1942. Alors du coup, on en vient à ce point qui est le rapport avec De Gaulle et la France libre, parce que vous nous faites le portrait du parfait résistant écrivain. Comment se fait-il que, en plus mort en combat, il ne soit pas décoré à titre posthume par De Gaulle, célébré par De Gaulle revenu au pouvoir au moment de la libération? Parce qu'il ne fait pas allégeance. La réponse, elle est très simple. Il ne fait pas allégeance. À quel moment? En 43. Alors il ne va pas. Pourquoi déjà avant n'est-il pas allé en Angleterre plutôt que d'aller aux États-Unis? Ça, j'ai pas de réponse à cette question. Je pense parce qu'il se trouve tout simplement mieux aux États-Unis, l'ambiance de travail. Et puis, en Angleterre, il y a la France. À l'époque, lui, il est terriblement concentré sur la rédaction de Pilote de guerre. Qui paraît aux États-Unis, qui paraît en France en 1942, je pense que la rédaction de Pilote de guerre est sans doute plus importante que se trouver dans un bureau à Londres. Et ensuite, il y a cette période de compagnonnage avec Giraud, parce que pendant un moment, les Américains avec lesquels il a des relations et un certain nombre de ses contacts le conduisent naturellement à s'orienter plutôt vers le général Giraud, qui est au départ l'homme des Américains. Ça non plus, c'est pas une bonne introduction en matière pour être en relation avec les gaullistes quand on fait ce premier choix, plutôt de choisir le général de Gaulle, alors que c'est de Gaulle qui finit par gagner le combat contre Giraud. Mais finalement, pourquoi ne pas avoir choisi de Gaulle? Qu'est-ce qu'il reproche, au fond, profondément à de Gaulle? En fait, il le dit, et je crois qu'il l'écrit même dans une lettre au général Chambes, il a peur d'une dictature. Et il craint qu'en fait, De Gaulle n'instaure une sorte de dictature. Oui. Je crois que c'est ça, une sorte de hantise. Il y a toujours ce doute vis-à-vis de la sincérité et de la capacité des militaires. Je pense qu'il touche De Gaulle comme il a touché les généraux de 1940 et comme il touche finalement Giraud, parce que très rapidement, il se détourne de Giraud, considérant que Giraud est un pantin. Et il ne croit pas en De Gaulle. Évidemment, ça lui sera terriblement reproché par les gaullistes. Et puis pour terminer, alors si on continue dans la deuxième partie du XXe siècle, d'autres intellectuels engagés vont venir alors là complètement balayer ce qui aurait pu être un retour de Saint-Exupéry, et en particulier Sartre, ringardise totalement l'idée que Saint-Exupéry aurait pu être engagé. Ben ça c'est ce que j'ai expliqué dans mon livre en prenant des exemples qui sont un peu désagréables pour Jean-Paul Sartre, c'est en faisant une sorte de parallèle entre la trajectoire de Sartre sur les années 1940-1945 et celle de Saint-Exupéry. Il y a une sorte d'usurpation totale de Sartre à partir de 1945 qui effectivement fait disparaître totalement un homme comme Saint-Exupéry. Bon, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, 60 ans plus tard, c'est le contraire qui se produit. Merci beaucoup François Gerber pour cette évocation de l'engagement chez Antoine de Saint-Exupéry. Je rappelle que vous avez fait paraître en 2012 le livre Saint-Exupéry, pilote de guerre aux éditions Jacob Duvernet. Vous avez également collaboré à l'ouvrage collectif Renaissance de Saint-Exupéry paru en 2016 aux éditions Écriture. Tout de suite, c'est en compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues, avec aujourd'hui Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française. Bonjour Michel. Bonjour. Et merci d'être là. Saint-Ex, ça vous fait planer, Michel? Ah, beaucoup. Je suis très... J'ai relu Saint-Ex ces derniers mois dans une sorte d'enchantement. C'est un grand poète. Et c'est aussi quelqu'un qui, effectivement, a quelque chose à dire, qu'il était seul à pouvoir dire. Je dirais trop seul par rapport au problème de sa situation dans le paysage littéraire de ces années de guerre, il est trop seul. Et en plus, je pense que il doit être très agacé par De Gaulle. On ne sait pas, il y a pas des, enfin je parle sous le contrôle de M. Gerber, mais il me semble que les choses auraient été mieux, plus facilement si De Gaulle n'avait pas autant agacé Saint-Ex, qui était assez élégant, un peu aristocrate, et n'aimant pas les grands moulinets, quoi. Mmh. Il y avait besoin, en effet, d'un peu d'élégance. Si je puis juste ajouter une toute petite chose, ça me rappelle aussi une réponse de Malraux à De Gaulle à la fin, au moment de la libération, enfin, une fois que la guerre est finie. Un jour, De Gaulle demande à Malraux, alors, quelle est votre impression depuis que vous êtes rentré à Paris? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? Et Malraux répond, le mensonge. C'est une bonne, bon commentaire de la discussion sur Saint-Ex aussi, je trouve. Alors, dans la NRF, on ne ment jamais, et en particulier jamais. Dans ce numéro 630 qui est en ce moment en kiosque. Outre l'entretien du président de la République, dont on a déjà parlé ici, on peut découvrir le récit que l'acteur et musicien Melville Poupeau fait de sa préparation physique pour un rôle de serial killer. C'est la première fois que je vois une photo d'un homme bodybuildé dans la NRF. Il n'y a déjà pas beaucoup de photos. Ce n'est pas la dernière fois. C'est pas la dernière fois, bah, je suis un abonné. Et donc oui, c'était très intéressant de faire ce travail avec Melville, qui était partant pour se confronter un peu à la littérature dans une revue qui est considérée, comme y compris par le président de la République, comme le temple de la littérature. Et donc j'étais ravi de pouvoir accueillir ce journal de bord qui est en fait le journal que Melville Poupeau a tenu tout au long du tournage d'une série. Pour TF1, pour la rentrée. Qui va être diffusé à la rentrée et qui raconte les histoires d'un serial killer sur fond de banlieue lyonnaise, je crois. Et donc il a besoin d'avoir un corps parfait. Donc il va la salle de sport tous les jours, il mange des œufs matin, midi et soir. Enfin, absolument, on a deux photos de lui dans le numéro. Voilà, avant et après. En effet, c'est assez impressionnant. Également dans la NRF, un article de Philippe Blanchon sur Jean Cocteau et les Américains. Extrêmement intéressant parce que cet article décoince la situation dans laquelle se trouve Cocteau en France, considéré comme un guignol par les grands pontes de l'avant-gardisme surréaliste qui n'admettent pas qu'on joue avec ça. C'est un révélateur, Cocteau. Et alors, il y a des gens qui le comprennent bien, et beaucoup mieux que les surréalistes français, ce sont les Anglais et les Américains, T.S. Eliot notamment, qui a très très bien vu que Cocteau, à sa manière, était à la fois un moraliste, un penseur et un poète, et qui avait quelque chose à dire sur le monde dans lequel il était. Ouais. Donc ça, je pense que c'est un des articles les plus intéressants qu'on ait pu écrire sur Cocteau depuis très longtemps. Voilà, parce qu'ils se sont finalement intéressés à l'œuvre et pas au personnage qui sans doute cachait un petit peu. Ils ne sont pas laissés avoir par le mythe. L'œuvre. Merci beaucoup. C'est moi. Je donne rendez-vous à nos auditeurs en kiosque pour le numéro de la NRF, numéro 630. À très bientôt, Michel. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture au troisième jour de notre semaine consacrée à Antoine de Saint-Exupéry. Et après avoir parlé de son engagement, nous nous penchons à présent sur un Saint-Ex journaliste avec Philippe Baudor, professeur de littérature française à l'université de Bordeaux, spécialiste de l'œuvre de François Mauriac et même des Mauriac parce que il a préfacé en mars dernier le premier roman du frère aîné de François, j'ai nommé Raymond. Mais avant de parler de journalisme stricto sensu, un nouvel extrait de Terre des Hommes, lu par Guillaume Gallienne. La grandeur d'un métier est peut-être, avant tout, d'unir des hommes. Il n'est qu'un luxe véritable, et c'est celui des relations humaines. En travaillant pour les seuls biens matériels, nous bâtissons nous-mêmes notre prison. Nous nous enfermons solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure rien qui vaille de vivre. Si je cherche dans mes souvenirs ceux qui m'ont laissé un goût durable, si je fais le bilan des heures qui ont compté, à coup sûr je retrouve celles que nulle fortune ne m'eût procurées. On n'achète pas l'amitié d'un compagnon que les épreuves vécues ensemble ont lié à nous pour toujours. Cette nuit de vol et ses 100 000 étoiles, cette sérénité, cette souveraineté de quelques heures, l'argent ne les achète pas. Cet aspect neuf du monde après l'étape difficile, ces arbres, ces fleurs, ces femmes, ces sourires fraîchement colorés par la vie qui vient de nous être rendus à l'aube, ce concert de petites choses qui nous récompensent, l'argent ne les achète pas. Ni cette nuit vécue en dissidence et dont le souvenir me revient. Bonjour Philippe Baudor. Bonjour. Merci d'être là. C'est toute la philosophie de Saint-Exupéry qu'on vient d'entendre dans cette lecture par Guillaume Gallienne de Terre des Hommes. Oui, c'est une grande partie de sa méditation et de sa sagesse à l'égard des richesses de ce monde et de sa grande distance par rapport à certaines richesses matérielles, notamment l'argent, comme il le dit ici. Oui. Quel jugement, quel regard vous portez sur cette manière de voir ? Je trouve qu'il y a à la fois une très grande poésie dans sa manière de s'exprimer, une très grande hauteur, une très grande grandeur aussi, une très grande simplicité dans le ton et en même temps une capacité à aller à l'essentiel, dont on pourrait peut-être être surpris que cela vienne au fond de textes initialement publiés au quotidien dans la presse à propos de publications dont on a dit justement qu'elles avaient été faites par lui justement pour l'argent. C'est parfois une manière que l'on trouve de l'accuser d'avoir collaboré à la presse pour des raisons strictement financières. Donc c'est un petit peu en décalage avec ce qu'on vient d'entendre. Là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un continuum stylistique, en tous les cas, entre ses romans et puis son œuvre journalistique. Bien sûr, hein, comme chez beaucoup d'écrivains qui ont utilisé différents supports, différents vecteurs pour s'exprimer, pour assurer la communication littéraire, qu'ils la fassent à travers des revues, qu'ils la fassent à travers des livres, qu'ils la fassent à travers des journaux. Ce sont des différences de supports, mais l'écriture et le message restent souvent les mêmes. Mais il n'est pas reçu évidemment de la même façon. Vous vous êtes intéressé au journalisme de plusieurs écrivains, Mauriac, Guillou, Saint-Ex, et c'est souvent une part bien dévalorisée de l'œuvre des écrivains en question, sauf peut-être pour Mauriac, mais c'est un cas un petit peu particulier. C'est vrai que c'est une part souvent dévalorisée de leur œuvre, sauf, et Mauriac est un bon exemple, on pourrait en citer d'autres, on pourrait citer également Kessel par exemple, ou on pourrait citer Bernanos aussi, sauf pour ceux qui ont tenu eux-mêmes à défendre cette partie de leur œuvre, c'est-à-dire qui l'ont mise au premier plan de leur publication, qui l'ont valorisée, qui ont voulu être des écrivains journalistes et qui ont voulu afficher également ce métier au fond de journaliste, ce que n'a pas fait Saint-Exupéry, d'où peut-être la zone d'ombre dans laquelle cette production journaliste est progressivement tombée. Il n'a pas pris en charge finalement la mise en avant de cette partie de son œuvre. Je dirais que non seulement il l'a pas mise en avant, mais on pourrait presque dire qu'il a un tout petit peu camouflé ou escamoté dans le livre qu'il en a tiré, mais on y reviendra peut-être, hein, qui est l'aboutissement de cette production journalistique et en même temps un livre qui ne donne aucune information au lecteur quant à l'origine, à la provenance de ces textes. Vous pensez à quoi? Je pense à Terre des Hommes, bien sûr, hein, qui sera l'aboutissement de ces années, de toute cette période d'écriture dans la presse, hein, qui court de 1932 à 1938 et qui aboutira en 39 à Terre des Hommes. Alors en effet, on aura l'occasion de revenir à Terre des Hommes, mais qui sera sans doute naturellement présent un peu partout dans l'entretien. Il faut dire quand même que vous avez publié, toujours dans ce volume qui nous a beaucoup servi, Renaissance de Saint-Exupéry, dirigé par Alain Vircondelet, aux éditions Écriture, un texte sur Saint-Exupéry journaliste. Et alors là, vous expliquez au fond que vous avez pas voulu faire une analyse de l'ensemble de l'œuvre journalistique. Vous avez pris quelques points qui sont des points nodaux. Comment est-ce que vous avez travaillé? C'est-à-dire que pour présenter cette production journalistique, alors dont il faut peut-être dire tout d'abord que c'est une production relativement limitée en volume. Hein. On a une grosse cinquantaine de textes de Saint-Exupéry parus dans la presse sur une période relativement longue, ce qui est finalement peu et qui vient du fait que Saint-Exupéry a vraiment été un journaliste occasionnel. Contrairement à certains noms que vous avez cités, notamment Mauriac, on pourrait citer Kessel, on pourrait citer Colette, on pourrait citer Camus. C'est aussi quelqu'un qui a moins écrit de manière générale. Il a moins écrit de manière générale, pour différentes raisons d'ailleurs, hein, dont tout cela relève peut-être de cette même origine. Donc on a peu de textes, mais en même temps on a des textes d'une très très forte densité, je dirais, et puis des textes d'une très très grande visibilité à l'époque, hein, parce que il faut bien comprendre que Saint-Exupéry collabore à des médias, à des périodiques, que ce soit des hebdomadaires culturels tels que Marianne, c'est sa première grande production entre 32 et 34, qui est vraiment le grand hebdomadaire culturel que lance Gallimard en 32, auquel Saint-Exupéry collabore dès le premier numéro avec un très grand article pilote de ligne. C'est sûrement une des têtes d'affiche d'ailleurs de ce numéro-là. Et c'est une des têtes d'affiche, hein, d'autant que la faillite de l'Aéropostale, la grande question qui est une question à la fois économique, financière, politique et stratégique de la faillite de l'Aéropostale est au cœur de ce numéro. Donc la collaboration de Saint-Exupéry est parfaitement... C'est même une sorte de scandale dont tout le monde parle à l'époque. Absolument, c'est un scandale financier, comme le début des années 30 en connaîtra d'autres, que cette faillite-là. Mais c'est une vraie question politique, parce que derrière la faillite de l'Aéropostale se posent effectivement des questions de présence de la France dans le monde, d'influence et de stratégie, alors que d'autres pays, eux, continuent à développer leur liaison, développer leur relation. Donc il y a vraiment une vraie question politique, hein, la Chambre est interpellée, les députés s'emparent de la question, et d'ailleurs dans ce premier numéro de Marianne, Emmanuel Berle consacre son éditorial politique à cette question, et Pierre Brossolette aussi, hein, donc je veux dire que l'article de Saint-Exupéry est vraiment un article qui du coup prend une résonance politique extrêmement forte à l'époque. Donc on a de très grands périodiques tels que Marianne, mais on pourrait en citer d'autres tels que Paris Soir ou L'Intransigeant. Mais il faut dire que tout ce qui concerne l'aviation, les records, les traversées passionnent le public. Donc ça rend la collaboration de Saint-Exupéry, qui est par nature au plus près des événements, très intéressante pour les journaux et pour les lecteurs. Bien évidemment, parce que il n'y a pas une semaine, j'ai presque envie de dire, il n'y a pas un jour où dans les grands quotidiens de l'époque, on n'évoque pas soit un record qui a été battu, soit une nouvelle ligne qui a été ouverte, soit malheureusement un accident qui inquiète, qui mobilise d'ailleurs toute la population. Et là, on a à la fois quelqu'un qui est au cœur du métier, qui est lui-même un aventurier, qui fait partie de cette nouvelle chevalerie moderne, je dirais, de ces héros du ciel, et qui est en même temps un écrivain reconnu, puisqu'il a déjà publié 2 livres qui ont eu beaucoup de succès. Donc, bien évidemment, sa collaboration est extrêmement utile. Et d'ailleurs, on joue beaucoup dans les quotidiens de cette double posture. On le représente la plupart du temps en aviateur, avec le casque, avec l'avion, photo, là, avec souvent. La photo. Ce sont des articles qui sont extrêmement personnalisés. Ce qui fait que du coup, il devient vraiment un personnage public, je dirais, de manière très très importante, auquel le public, même ceux qui n'ont probablement pas lu ses premiers romans, est extrêmement familiarisé. Donc on joue de cette dimension, je dirais, professionnelle, et en même temps de sa dimension littéraire, dans une époque où, il faut bien le dire aussi, dans le monde littéraire, on se préoccupe beaucoup de l'authenticité, c'est-à-dire qu'on va effectivement mettre l'accent sur des écrivains qui savent de quoi ils parlent, soit parce qu'ils parlent de l'usine, parce qu'ils en sortent, soit parce qu'ils parlent de la paysannerie, parce qu'ils en viennent aussi. Et là, on a un aviateur qui écrit et qui peut relater directement son expérience. Mais alors, il ne semble pas avoir souffert particulièrement d'être toujours renvoyé pour les deux demandes des journaux à son métier d'aviateur. Pour lui, il n'y avait pas, comme il y a pu y avoir pour Fitzgerald, dont les journaux demandaient toujours qu'il leur donne des récits d'université. Finalement, il trouvait ça assez naturel et même très bien qu'on lui demande toujours un peu le même type d'article. Parce que je pense que, comme ça a été dit précédemment, je crois que il y a chez Saint-Exupéry une adhésion profonde avec cet outil, puisque pour lui l'avion est un outil, cet outil profond qu'il a fait sien. Et il n'y a pas là, je dirais, une sorte de métier qui serait simplement sporadique et périphérique, etc. Donc cette image ne le gêne absolument pas. Au contraire, elle fait partie de son personnage public. Même, il faut bien le reconnaître, lorsque, en tant que journaliste reporter, il va bien falloir qu'il fasse ses enquêtes, je dirais, à pied ou en automobile ou en train, ce qui sera parfois le cas, il reste quand même toujours un petit peu l'aviateur. Ces enquêtes, on verra si on peut vraiment parler d'enquête. Donc il y a quand même 6 années, 1932-1938, où il ne fait que ça. Il ne fait que publier dans les journaux. Alors il ne fait pas que ça, mais disons que les seuls textes qu'il publie, exactement. La presse, c'est le seul vecteur de communication et de diffusion de Saint-Exupéry écrivain. Il n'écrit que dans la presse et que pour la presse pendant ces 6 années. Alors je vous propose d'écouter non pas des lectures d'articles à proprement parler, mais de la manière dont il parle très bien de l'aviation et notamment du pilote de ligne qu'il était, lui qui apportait les courriers aux confins du monde, ces courriers si précieux. Voici un extrait de Courrier Sud lu par Guillaume Gallienne. Aujourd'hui, Jacques Berny, tu franchiras l'Espagne avec une tranquillité de propriétaire. Des visions connues, une à une, s'établiront. Tu joueras des coudes avec aisance, entre les orages. Barcelone, Valence, Gibraltar, à portée à toi, emportée. C'est bien. Tu dévideras ta carte roulée, le travail fini s'entasse en arrière. Mais je me souviens de tes premiers pas, de mes derniers conseils, la veille de ton premier courrier. Tu devais à l'eau prendre dans tes bras les méditations d'un peuple, dans tes faibles bras. Les porter à travers 1000 embûches comme un trésor sous le manteau. Courrier précieux, t'avait-on dit, courrier plus précieux que la vie, et si fragile, et qu'une faute disperse en flammes et en vent. Je me souviens de cette veillée d'armes. Et alors? Alors tu tâcherais d'atteindre la plage de Peñíscola. Méfie-toi des barques de pêche. Ensuite, jusqu'à Valence, tu trouveras toujours des terrains de secours. Je les souligne au crayon rouge. Faute de mieux, pose-toi dans les rios secs. Berny retrouvait le collège sous l'abat-jour vert de cette lampe, devant ses cartes dépliées. Mais de chaque point du sol, son maître d'aujourd'hui lui dégageait un secret vivant. Les pays inconnus ne délivraient plus de chiffres morts, mais de vrais champs avec leurs fleurs, de vraies plages avec leur sable. Écoute-moi donc. S'il fait beau ici, tu passes tout droit. Mais s'il fait mauvais, tu voles bas. Tu appuies à gauche, tu t'engages dans cette vallée. Je m'engage dans cette vallée ? Ouais. Tu rejoins la mer plus tard par ce col. Je rejoins la mer par ce col. Et tu te méfies de ton moteur, la falaise à pic et des rochers. Et s'il me plaque, tu te débrouilles. Et Bernie souriait. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors là, je le disais, hein, ça n'est pas à proprement parler un article, mais ça pourrait être un article parce qu'il n'y a pas de différence stylistique très importante finalement entre la production pour les journaux et puis la production pour les livres. Ça n'est pas un journalisme d'enquête, c'est vraiment un journalisme d'écrivain, Philippe Bodeur. Oui, ce n'est pas un journalisme d'enquête. Disons que c'est un journalisme de reportage puisqu'il est missionné, mandaté pour cela. Lorsque il va à Moscou en mai 35 pour Paris Soir, de la même manière lorsqu'il ira en Espagne pour l'Intransigeant, puis de nouveau en Espagne pour Paris Soir, je dirais qu'il répond à une demande qui est celle que l'on propose à de nombreux écrivains de l'époque de se transformer en reporter. D'ailleurs, les journaux affichent en première page de notre envoyé spécial Saint-Exupéry. Je dirais que, effectivement, plus qu'une enquête, on dirait qu'il y a plutôt une quête, dans la mesure où c'est plutôt quelqu'un qui est à la recherche de signes ou d'indices qui vont faire sens pour lui par rapport aux questions profondes qu'il se pose et qui vont ensuite cheminer en lui-même, et notamment à travers son écriture de presse, pour aboutir ensuite à cette rédaction finale qui sera celle de Terre des Hommes. Par contre, par rapport à ce qu'on vient d'entendre, là où il y a quand même un saut qualitatif, je crois, important entre ces textes de presse et puis les deux premières publications qui sont des fictions, c'est que là, on a véritablement une écriture à la première personne. C'est-à-dire qu'en tant que journaliste, c'est lui qui se met en avant et non plus à travers des personnages ou des fictions. C'est pour ça que c'est plutôt un récit de voyage, finalement. Ce sont des récits de voyage plutôt que des articles de notre envoyé spécial. Oui, mais bon, beaucoup de reportages littéraires de cette époque-là sont au fond des récits de voyage. Il ne faut pas oublier que lorsque Saint-Exupéry est en Russie, comme lorsqu'il sera en Espagne, il va se trouver dans une configuration que la presse de l'époque utilise beaucoup, c'est-à-dire que on n'enverra pas que Saint-Exupéry. En Espagne, il y aura deux ou trois envoyés spéciaux, et notamment les papiers de Saint-Exupéry seront doublés par des papiers beaucoup plus professionnels, qui sont ceux du journaliste chargé des affaires espagnoles ou chargé des relations internationales. Quand il est à Moscou, c'est à l'occasion du voyage de Laval à Moscou. Il est clair que les implications diplomatiques de cette très très importante rencontre entre Laval et les autorités soviétiques, qui sont la suite du pacte franco-soviétique qui est signé à cette époque-là, sont couvertes par un autre journaliste que Saint-Exupéry. Ce qu'on demande aux écrivains à cette époque-là, c'est plutôt des choses vues, des choses entendues, du pittoresque, c'est-à-dire de montrer un autre aspect de la réalité. Et justement, que voit-il, par exemple, quand il est à Moscou, où il est enfermé, d'ailleurs, dans son hôtel par les autorités russes? Mais lui, bon, il trouve ça, finalement, assez normal. Il ne voit pas en quoi c'est un problème. Il sort quand même, on ne sait trop comment, par une fenêtre, peut-être, de son hôtel. Et là, que voit-il, Philippe Bodeur? Alors, peut-être, il est possible que le directeur ou le rédacteur en chef de Paris Soir peut-être trouvait qu'il ne voyait pas grand-chose, au fond. Parce que si on met bout à bout les différents articles qu'il va téléphoner depuis Moscou, on est un petit peu déçu quant au contenu sur le plan strictement de l'information. Alors, ce qu'il voit, il voit, pour les fêtes du 1er mai, il voit la foule, il voit les défilés, il voit l'image de Staline, le grand chef partout, etc., etc. Et puis, petit à petit, derrière ces foules, un petit peu compactes, un petit peu, je dirais, impersonnelles, il va voir, à l'occasion d'un petit air d'accordéon, il va voir que tout d'un coup, il y a une sorte d'humanité qui peu à peu transparaît. Et puis, ce qui est assez surprenant... Mais cette humanité, très vite, elle est reprise en main, très vite car il faut se remettre en rang pour le défilé. Exactement. C'est juste une petite éclaircie, je dirais presque une oasis d'humanité dans le désert, au fond, d'hommes que l'on a autour de lui. Puis, finalement, il va faire, au fond, deux portraits, essentiellement deux portraits assez surprenants. D'abord, le portrait d'un juge, bon, qui est un personnage assez bien choisi si on veut réfléchir à la manière dont on construit l'homme nouveau dans l'Union soviétique de l'époque. Et c'est toute la problématique d'ailleurs qu'il pose autour de ce juge. Quel homme est-on en train de construire en Russie? Et puis il fait ce portrait tout à fait étonnant, décalé, inattendue de cette mademoiselle Xavier, qui est une institutrice française, comme il y en a eu des centaines qui sont restées en Russie après la Révolution. Et c'est un portrait très touchant, très amusant, très plein d'émotions et plein de poésie, mais qui est effectivement très, très éloigné des comptes rendus du plan quinquennal, tel qu'on pouvait le voir dans les voyages du RSS à l'époque. Et aussi de retour du RSS de Gide, par exemple, ça n'est pas du tout le même registre. C'est pas le même registre. Et en même temps, on y trouve, et ça rejoint ce qui était dit précédemment quant à son engagement, je trouve que c'est très très important parce que c'est aussi ce qu'on aura à propos de l'Espagne, c'est aussi ce qu'on aura en 38. Et c'est pour nous aujourd'hui très difficile à comprendre, ce qui rend peut-être un peu inaudible l'engagement de Saint-Exupéry. C'est-à-dire que, alors que l'Union soviétique, il le sait, est un sujet qui est un sujet hautement clivant. On est en 35. Il n'y a pas 36 possibilités. On est pour, on est contre. Lui fait un reportage dans lequel il n'est ni pour ni contre. Mmh. Ni pour ni contre. Et ça, c'est quand même une particularité, c'est une très spécificité. Moderne. Peut-être très moderne. En tout cas, c'est assez complexe. Et je dirais que le fait d'être ni pour ni contre, c'est pas une manière de se désengager, de se détacher. C'est au contraire une manière de vouloir penser de façon complexe. Et c'est vrai que sa pensée sur le sujet est assez complexe. Alors vous avez parlé tout à l'heure du jeu dans le journalisme de Saint-Exupéry. À quoi ressemble-t-il ce jeu? Comment prend-il la parole à la première personne? Alors il prend la parole, je dirais, à la première personne comme, je dirais, selon les canons, du reportage littéraire de l'époque. Hein. C'est-à-dire que bon, les grands reportages de Kessel, les grands reportages d'Albert Londres, les grands reportages de Sandras ou de Macorlan sont tous des reportages à la première personne. Ça commence toujours à peu près par « j'arrive à la gare et je trouve hein. ». Bon, c'est-à-dire qu'on est là dans un cadre qui est au fond un cadre relativement stabilisé sur le plan de l'écriture. Là où le jeu, je dirais, plus subtil s'installe, c'est plutôt dans, encore une fois, la qualité du regard et les éléments qui sont choisis, sélectionnés, les questions posées ou les questions qui ne sont pas posées. On le voit bien par rapport à l'Espagne. On a là des articles qui sont des articles, au fond, relativement, non pas décevants, mais en tout cas qui nous laissent un petit peu perplexes quant à ce qu'il a voulu montrer et mettre en évidence. Mais vous dites tout de même que ce jeu, c'est aussi un peu un nous. Et on pense évidemment à l'expression de Jean-François Louette, appliqué à Jean-Paul Sartre, d'une écriture extime. Parce qu'en effet, il parle de lui ou à partir de lui, mais il parle sans cesse des autres. Absolument. Donc, alors, je dirais qu'il y a deux nous, au fond, que l'on pourrait proposer si on reprend cette expression-là. D'abord, tous les articles, et ils constituent une part importante de son écriture de presse, qui portent sur la grande aventure de l'air. Hein, bon. Et ça, ce sont les articles de Marianne. Ce sont des articles, d'ailleurs, je le signale, parce que il y a une erreur qui est en permanence véhiculée, et on peut en comprendre la raison. Ces articles sont intitulés « pilote de ligne »,« pilote au pluriel », alors que c'est en permanence rapporté au singulier. Donc il y a vraiment un « nous » qui est le « nous » des pilotes, la confrérie, les camarades. Et puis, il y a aussi le « nous », c'est-à-dire le nous de la rencontre. Hein. Ce sont à chaque fois... Mais on a ça aussi dans tous les souvenirs de l'aviateur Saint-Exupéry. On vole, on est seul, mais en même temps, il faut bien qu'on se pose. Hein. Et donc, en permanence, c'était le cas en Afrique, c'était le cas également en Amérique latine. C'est le cas dans les reportages, que ce soit en Espagne ou en Russie. Ce qui va en même temps toujours le retenir, c'est la rencontre. Y compris d'ailleurs dans le train qui le mène de Paris à Moscou, la rencontre avec celui qui tient le wagon-restaurant. Je rencontre un homme. Voilà. Ouais, je rencontre un homme et on est dans une situation inattendue et tout d'un coup, voilà, une rencontre se fait. Donc c'est un altérophile. C'est un altérophile. Il aime l'altérité. Absolument, absolument. Je pense qu'on peut reprendre cette expression, effectivement. Il y a ce texte qui s'appelle « Vol brisé », que vous racontez un petit peu. C'est l'histoire de cet accident entre Paris et Saïgon. La disparition, finalement, de Saint-Ex dans les sables du désert. Très rapidement, qu'est-ce qui fait de ce texte, pour vous, un texte exceptionnel ? Ce qui en fait texte exceptionnel, au point d'ailleurs qu'il sera quasiment repris in extenso dans l'avant-dernier chapitre de Terre des Hommes. Hein. Donc on voit bien qu'il a atteint là... Terre des Hommes qui est fait en effet de la plupart de ses articles. Qui est fait de la plupart de ses articles. C'est un article, c'est un ensemble de textes qu'il donne en exclusivité à l'intransigeant après son accident dans le désert de Libye, et dans lequel il va au fond raconter non pas l'exploit d'un aviateur, mais au fond la révélation, la rencontre dans le désert. Hein, c'est-à-dire que au plus près de la mort hein, et de la disparition, tout d'un coup cette apparition qui redonne vie. Merci beaucoup Philippe Baudor. Je rappelle que vous avez donc participé à l'ouvrage collectif Renaissance de Saint-Exupéry. Demain, nous poursuivrons notre exploration de l'œuvre de Saint-Ex. Ce sera avec Sylvie Justhomme et Philippe Forest. Mais tout de suite, c'est la poésie sur France Culture, Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour, la poésie. Nous sommes en Indonésie. C'est Laurence Vielle qui nous a emmenés là-bas, plutôt qu'en Belgique, où elle fut, je l'ai dit, poète nationale. Je l'ai dit il y a 2 jours. Il faut suivre, ou alors réécouter les podcasts, je sais pas, franceculture.fr, JBLP, Jacques Bonafé, Lila, poésie. Nous sommes à Sulawesi, jour 2 d'une résidence vers l'inconnu. Bisu Salé, Bisu Salma. Tu l'appelles Salé ou Salma? Son nom d'homme, son nom de femme. Bisu Salé, Salma. Il n'est ni homme ni femme, il est Bisu. Il parle aux esprits, entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Bisu Salé, Salma parle la langue du ciel, la langue de la Galigo. La plus longue épopée du monde, plus longue que le Mahabharata. L'épopée fondatrice des bougies, le grand dieu, créa le premier couple, la femme née d'en bas, l'homme tombé du ciel. Aucun enfant ne vint de leur union. Alors un Bisu fut envoyé pour leur ouvrir le chemin, et 2 jumeaux naquirent, qui s'aimèrent avant même de naître. On me dit aussi qu'il y a 5 genres chez les bougies. Homme parce que tu nais homme, femme parce que tu nais femme, femme qui s'habille en homme parce que tu as corps de femme mais ressens en toi l'homme, homme qui s'habille en femme parce que tu as corps d'homme mais tu ressens en toi la femme, Bisu, ni homme ni femme, tu peux avoir sexe d'homme et être Bisu parce qu'à l'intérieur tu ne te sens ni homme ni femme. Tu relis terre et ciel dans la famille de mon ami Fadil, musulman bougie. C'est gênant, c'est vraiment gênant. Haïdnu, reprise de notre prière rituelle adressée aux morts pas morts, Tanatoa, le plus vieux pays du monde, par Laurence, poétesse, comédienne, vielle, traditionnelle, de nulle part, toute Laurence de partout. Dis-moi, il y a un mort auquel tu penses parfois? Il te visite, tu déposes des pétales sur un chemin où tu marchais avec lui, tu gardes entre les pages d'un vieux livre les mots qu'il t'écrivait, tu guettes les nuages qui prennent la forme de son visage. Entends-tu sa voix, son rire en toi? Tu marches à l'ombre ou au soleil? Ouvres-tu ta fenêtre pour sentir l'air sur ta peau? Restes-tu parfois couché, immobile, tant l'absence est douloureuse? Comment apprivoises-tu l'absence? Est-ce que parfois le disparu te donne des ailes? Chante la chanson, fais le geste, pense à l'objet, dresse l'autel. Aimer un mort, c'est peut-être l'art d'habiter le vide, inventer des gestes qui nous relient, nous les vivants, en gratitude. Aimer d'un plein amour les proches qui nous entourent, mesurer l'inouï d'être au monde et la chaleur du vivant, aller par les chemins, regarder la samare de l'érable tournoyer dans les airs. Prends le temps d'aimer le mort, c'est la vie que tu honores. Merci Jacques Bonafé pour ces lectures de Laurence Vielle et Jean-Luc Giovannoni.